Dialogue. Dans la rue. Écoutez. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 8 rue Montmartre. Répétez. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Que fais-tu maintenant? Je vais chez moi. Où habites-tu? J'habite 8 rue Montmartre.